Regarde-moi dans les yeux, tu t'arrêteras sur les cernes. J'ai la tête d'un cadavre, car je vis ici sous terre. Un soupir et un sourire, ce n'est pas trop compatible. Assommé par la routine, je te demande de compatir. J'écris pas ce texte pour rien, j'écris pas ce texte pour rire. Et je sais que tu peux rien, mais mon cœur évaporé, évaporé. Ta joie de vivre n'est plus en moi, je sais juste qu'elle s'est barrée. J'espère qu'elle reviendra, ouais. Les gens sont des faux culs, des beaux parleurs. T'étonne pas si je suis méchant, ma gentillesse est passée aux 35 heures. Allez, sois franc au moins une fois, et dis-moi une fois pour toutes ce que tu penses de moi. Je suis pas une star mais je t'emmerde. Avec le temps j'ai appris à faire avec les emmerdes. Et les ennuis sont dans ma tête. Ne préviens pas tant qu'ils s'amènent. Avant de parler de ta vie, dis-moi que tu te fous de la mienne. Désolé d'être énervé mais j'ai appris à mes dépens. Qu'il y a sur moi que je peux compter. Et ça depuis la nuit des temps. Putain, comment veux-tu que je me détende? À peine je monte en l'euphorie que je dois déjà en descendre. Je suis fatigué mais pas à terre. Je suis décidé à ne pas me taire. Me dis pas ce que je dois faire. Sur tout m'appelle pas frère. Pas parfait mais pas à faire. Et seul tu peux me juger. Tu peux me dire tout ce que tu portes. Mais moi je détruis les préjugés. Les préjudices sont dans la tête et affectent le moral. Y'a des jours où c'est la fête et des jours où ça va mal. Me dis pas que je suis égoïste. Je suis moins que la moyenne. Y'a beaucoup trop de rapaces. Et parfois y'a même des hyènes. Je suis fatigué, ouais. Et pourtant je dors très bien. Mais occupe-toi tes problèmes avant de t'occuper des miens. Si tout le monde t'es comme moi, le monde serait vraiment pas drôle. Dans l'océan du regret, tu me verras nager le crawl. Les gros, ma vie est ce qu'il y a plus banal. Mon humeur se déguise et tous les jours un carnaval cafarnaum. Dans ma tête tout se mélange, j'ai pas envie de perdre la voix. Donc sur mon torse je porte un ange. La solitude est une alliée, mais elle reste anonyme. Elle nous rend tous fous alliés, là-dessus on est tous unanimes. Les mesures se succèdent, tout ce que je dis ça me fatigue. Je verrai jamais le succès, maman c'est pas dramatique. Fatigué depuis des lustres dans ma tête, c'est le par tous ces gens, j'ai des gens qui je deviens méchant. Fatigué même quand je dors, fatigué par ce décor. Fatigué de mes efforts, fatigué encore plus fort. Bla bla bla. Ouais, j'suis fatigué, ouais. Mais pas à cause de mon sommeil. Que l'ombre de ma vie